la calle antes de cumplir yo lo que sé. Corría de azul y salta la pena tener un esquice. Fue malo, lo hice solamente porque yo quise. Lo bueno ya di yo lo sé, lo sé. Que si era malo lo que sentía. Encima no era su lío. Que si hago bien eso no sé. Que si soy malo no lo sé. Al menos lo único que sé. De la calle pesa quien pese. Que si hago bien eso no sé. Que si soy malo no lo sé. Al menos lo único que sé. De la calle pesa quien pese. Patos locos, ça fait le boss des boss. Ça braque, ça crosse. Fait des poursuites en crosse. Patos locos, ça fait le boss des boss. Ça braque, ça crosse. Fais des poursuites en crosse. Phénoménal comme Messi. Combien de fois je fais courir les civils. Ils m'ont pris mon shit et toutes mes zics. C'est pareil dans toutes les cités. Tu sais quand je vise, moi je suis précis. M'ont fait du mal, je les ai laissés. C'est la vie, c'est comme ça, ouais, c'est ainsi. Après ils se sentent délaissés. Je connais des gens, c'est des criminels. Ils ont calage, cloque, copinelle. Ils ont tout le temps en police neuf. Accompagné d'une jolie meuf. J'ai fait courir la police, tiens. J'suis en fumette, sous amnésia. Cherche pas la guerre, c'est pas les armes. Tu sais, c'est toi qui t'as dit ça. Qu'on nous entende jusqu'à Palerme. J'vois que c'est la même galère jusqu'aux hospitalettes. Ça veut croquer dans la galette. Sortir maman de la merde, million dans la mallette. JS ou T-Max, Asics ou Air Max. On sait que t'as pas un arrêt de nous faire le mec Mac. La purée, je smoke et j'me dis qui c'est ce mec. Qui parle de moi, qui me rabaisse et qui se moque. Fatos locos, ça fait le boss des boss. Ça braque, ça crosse. Fait des poursuites en crosse. Fatos locos. Ça fait le boss des boss. Ça braque, ça crosse. Fait des poursuites en crosse. Fatos locos. Ça fait le boss des boss. Ça braque, ça crosse. Fait des poursuites en crosse.